Chapitre 21 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 21. Le profit de l'un est dommage de l'autre. Demande athénien condamna un homme de sa ville, qui faisait métier de vendre les choses nécessaires aux enterrements, sous titre de ce qu'il en demandait trop de profit, et que ce profit ne lui pouvait venir sans la mort de beaucoup de gens. Ce jugement semble être mal pris, d'autant qu'il ne se fait aucun profit qu'au dommage d'autrui, et qu'à ce compte il faudrait condamner toutes sortes de gains. Le marchand ne fait bien ses affaires qu'à la débauche de la jeunesse, le laboureur à la cherté des blés, l'architecte à la ruine des maisons, les officiers de la justice au procès et querelle des hommes. L'honneur même et pratique des ministres de la religion se tire de notre mort et de nos vices. Nul médecin ne prend plaisir à la santé de ses amis même, dit l'ancien comique grec, ni soldat à la paix de sa ville, ainsi du reste. Et qui ait pris que chacun se sonde au-dedans, il trouva que nos soins intérieurs, pour la part, naissent et se nourrissent aux dépens d'autrui. Ce qui, considérant qu'il m'est venu en fantaisie, comme nature, ne se dément point en cela de sa générale police, car les physiciens tiennent que la naissance, nourrissement et augmentation de chaque chose est l'altération et corruption d'un autre. Nam quod cunque suis mutatum finibus exit, continuo hoc mors et ilius quod fui ante. Fin du chapitre 21.